Apparemment, le régime hydrologique du bassin de l'Amazone sur les 100 prochaines années risque d'être altéré par l'évolution climatique. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur les variations de débit solide à l'embouchure, donc finalement ce qui est injecté dans l'océan et ce qui va remonter jusqu'aux parties Antilles? Il y aura une variation sans doute de ce côté-là. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des études en cours là-dessus? Oui, alors il y a des mesures en tout cas actuellement des débits évidemment du fleuve et des apports de matière en suspension, de vase. Donc, actuellement, les chiffres qui sont donnés sont autour de 38 tonnes par seconde de sédiments qui sont amenés par l'Amazone en mer et qui ensuite se déversent sur les côtes, ce qui explique les bancs de vase qu'on a sur les côtes de Guyane. Après, la question, elle est complexe parce que donc on a ces régimes de pluviométrie qui changent avec une saison sèche plus sèche et des épisodes pluvieux plus forts. Donc effectivement, si on a des épisodes pluvieux plus forts, on peut imaginer qu'il y a un lessivage plus important de la terre. Mais il y a un autre facteur qui va être très très important, c'est la politique du Brésil en termes d'aménagement et de déforestation. Et ça, effectivement, si on a une déforestation massive, alors le lessivage des sols sera encore beaucoup plus important. Et sûrement, ce paramètre sera plus fort que l'évolution des débits. Par contre, évidemment, s'il y a une politique très dure de ne pas toucher à la forêt, à ce moment-là, seuls les régimes hydrologiques interviendront pour essayer de prévoir l'évolution de matières en suspension qui seront déversées dans l'océan. Mais je crois que la déforestation est en cours et que malheureusement, c'est un facteur très important qui fera que le lessivage des sols apportera plus de matière en suspension dans l'océan, donc peut-être encore plus de vase en Guyane. Alors je vais compléter la réponse de Fabien, pas forcément dans le domaine climatologie ou du moins changement climatique, mais il y a également d'autres études en cours effectivement sur les débits des fleuves guyanais, notamment le Maroni. Nous sommes en train de mettre en place, entre autres avec la DEAL, des systèmes de mesure de la pluviométrie, notamment des lames d'eau qui tombent sur les bassins versants du Maroni et des fleuves guyanais. Alors pourquoi? Donc là, ça va avoir un impact beaucoup plus immédiat. Nous avons connu des phénomènes d'inondation ces dernières années sur les rives du Maroni, donc avec des déplacements de population. Donc en estimant les hauteurs d'eau qui tombent par bassin versant à partir des mesures par satellite et des mesures par radar, nous allons pouvoir anticiper les montées de crues. Donc là, bien entendu, c'est à une échelle beaucoup plus courte. A contrario, nous avons également eu les phénomènes inverses, les problèmes d'étiage, donc de remontée de biseau salin au niveau des fleuves. Donc on a eu des problèmes d'eau potable, notamment à Saint-Laurent du Maroni il y a 2 ans. Donc il y a effectivement des études en cours, mais d'une manière beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus à une échelle beaucoup plus fine, donc à l'échelle régionale et à pas de temps de quelques années. Donc c'est pour demain, en fait. Une autre question, comme à propos des paléo-incendies dont on a des traces en Guyane, comment peut-on les replacer dans les scénarios actuels, en pensant qu'il pourrait y avoir de nouveau des incendies importants dans le futur? Oui, c'est déjà, si il s'avérait qu'il y a eu des paléo-incendies, c'est déjà une preuve que ça peut arriver. Et donc, là, pour l'instant, en Amazonie, là où les feux se déclarent, c'est quand même des forêts où il y a moins de 2 000 mm par an, donc on en est quand même encore loin. Il faudrait que la température augmente quand même beaucoup. Mais les paléo-incendies, on ne sait pas trop encore aussi de quelle origine ils sont, si c'est les Amérindiens ou l'utilisation des terres.